Vous n'auriez pas dû me laisser survivre. Ah ah, vous n'auriez pas dû, mec. Oui, mes négros sont là. Oui, mes négros sont là. Habités par l'envie de vivre. Et on va faire mal cette fois. Renforcés par tous ceux qui sortent du camp là. Tu me laissais survivre. Vous n'auriez pas dû, vous avez été bête. Oui, mes négros sont là. De retour avec mes bêtes. Habités par l'envie de vivre. Renforcés par tous ceux qui sortent du camp là. C'est comme ça qu'on tire sur ses socs. Les fils de Ben Barka qui te bloquent. Les fils de Lumumba font pas du rock. Condamné goûte ma coque. S'il faut en sortir à les rougeurs. Les traits finissent comme des locks. On les assimile au foc. Les flammes du mal les coquent. Les soldats sortent du bloc. T'as pas idée de l'essence qu'on bloque. Les billets on les bloque. Fraîchement libéré déjà au poste. C'est une sale époque. Mais faut rester fort manique. Les petits font des locks. Leur cloque se moque. Depuis la Bible les forts survivent. Je reste le même massoc. Sauf que mon équipe a stock. Sauf que ma musique les choque. Même est ni même pote. Le rap a fait parler en rock. Ils croyaient que j'étais mort, je me moque. Négro, tu joues avec nous, on te broque. Avec ça, qui peut dire qu'on n'est pas hip hop? Hein? Check. Vous n'auriez pas dû me laisser survivre. Ah ah, vous n'auriez pas dû, mec. Oui, mes négros sont là. Oui, mes négros sont là. Habités par l'envie de vivre. Et on va faire mal cette fois. Renforcés par tous ceux qui sortent du camp là. Vous n'auriez pas dû, vous avez que bête. Oui, mes négros sont là. De retour avec mes bêtes.